quand j'y repense, toutes ces feuilles blanches que j'ai noircies pour faire le deuil de mon adolescence, toutes ces nuits blanches qu'on dessine et décerne sous mes yeux, tout ça pour que mon big perde les os. Mais trop de fausses couches m'ont fait croire que j'étais stérile. L'industrie du disque prenait la pilule, c'est terrible. Croire être impuissant, mais un mardi de mars, ce n'est bloc, partira puissant. La thérapie d'un jeune débloque à la diète, une peine maquillée par un sourire, lavée à l'eau tiède, l'encre, la seule larme que ma fierté peut lâcher. Accepte Tarzan, je suis Jen, ma liane a lâché. Entre fin et bise, le rap est devenu une cravate sur un survêt. Une bise aux fans, des autographes à la sauvette. Ces gros vannes de fric qui attirent femmes surfaites. Un VIP fait surfaite, je me reconnais pas dans ça, c'est triste. Mais je reste dans mon délire d'autiste, décris ses regards perdus dans le vide. Ces fleurs du mal comme des pétales de cannabis, mes frères en abusent. La danse bise, pas besoin de cabis, écoute blues. Ce mal de vivre qui fait qu'on s'isole. Pourtant on sait tous que nos Air Max sont des aimants sur nos boussoles. Mais on veut tous croquer la vie à plein dents. La merde vient de la pomme d'Adam, mes textes sont les vers qu'il y a dedans. Merde, ce rhume m'empêchera pas de lâcher ma brume pour tous les blocs. De Normandie aux Bouches du Rhône pour tous les frères qui vivent en bas des tours. Ceux qui se souviennent qu'un jour le carambolage entre l'inconscience, la rage et le savoir. Et du 9 mars, c'est ce que t'as bien cru voir. L'album psychiatre, c'est l'esprit en bloc. On rappe pas pour le globe, pour que tu le gopes, à chacun sa haine. L'album psychiatre, c'est l'esprit en bloc. On rappe pas pour le globe, pour que tu le gopes, à chacun sa haine. Dans les moments de la vie, les événements sont souvent brusques, attirés par les risques. Les péripéties sont assez pittoresques. Retranscrit sur une fresque, sans mon manuscrit. Retranscrit mes lignes, mettrai toute une histoire comme la peste. Un jour j'ai écrit, alors que les paroles rendaient sourdes et que les propos étaient lourds. Un album j'ai écrit, je voyais au loin un brouillard camouflé des barrières. Mais je savais pas qu'en ce temps long, on pouvait crypter des carrières. De toute manière, je suis pas là pour te raconter un roman. Faut juste que tu captes les galères conquises comme Gaulois et Romains. Durer l'état, de voir derrière un visage charmant. Surtout quand à la fin, c'est le cœur qui pousse le visage au chagrin. Et enfant de la lune, écrit pour ces gars des blocs. Paix à la haine, les gars de la school, baiseurs de shit, flambeurs dans les blocs. Parce qu'attristé par la joie, trop de douleur émotionnelle. Le jour j'écris un album pour vous qu'on voit exceptionnel. Le carambolage entre l'inconscience, la rage et le savoir. Et du 9 mars, c'est ce que t'as bien cru voir. L'album psychiatre, c'est l'esprit en bloc. On rappe pas pour le globe, pour que tu le gopes, à chacun sa haine. J'écris un album. 1995, j'ai pris le raccourci le plus long du monde. Souvent pas les miens me faisaient les pinces. J'ai décidé d'écrire un album, histoire que je me rince. J'avais peu de sens, mais en moins de 15, je connaissais pas l'homme, je connaissais pas l'ordre. Des paliers à franchir, des dos d'un nouveau les ralentir. Je connaissais pas l'ogre, kafir, tout prend un sens, man. Ça part de là pour finir à l'au-delà. Là, je crois en là au sens même. Arrive au virage 17, j'ai dû appeler le 18. Quand je voyais trop de flammes à 19, j'ai écrit un album. Scarambolage entre l'inconscience, la rage et le savoir. Scarambolage entre l'impatience, l'otage et le pouvoir. C'est comme ça me vient que je donne. Je suis juste un résumé de ce livre des blocs qui vit sur le sol du corps. Je traverse l'époque comme tant de jeunes. Ce disque la seule langue en quoi je pourrais vous parler si je suis mort jeune. J'ai pas de gueule, mais juste un creux comme c'est moi jeune. Je te prouve ça en rageant, stun, ni targue la carte one. Si chacun sait ce qu'il doit faire, je recherche plus la place one. Ça venait que mon naturel à L.O.N. Mégadjou, mes rosseleurs. Peut-être que les miens se reconnaissent pas dans du Michel Berger. Dans tu leur salues sur le Mégadjou, mégadjou, mes rosseleurs. Pour tous ces gens qui m'ont vu grandir, tu leur qu'on baisse pas les bras et qu'on s'en moque. Pour vous, j'écris un album. J'écris un album. Carambolage entre l'inconscience, la rage et le savoir. Et du 9 mars, c'est ce que t'as bien cru voir. L'album psychiatre, c'est l'esprit en bloc. On rappe pas pour le globe, pour que tu le gopes, à chacun sa haine. J'écris un album. L'album psychiatre, c'est l'esprit en bloc. On rappe